y'a aucun doute. Où elle fait rire le mercredi, faut lui dire les blagues lundi. Elle met des timbres sur les fax et du tipex sur son Mac. Elle tient tout un après-midi avec un petit bout de papier. Sur chaque côté on l'a écrit, veuillez retourner s'il vous plaît. Aucun doute, c'est une vraie blonde. Pour faire une tarte au chocolat, elle pèle d'abord les granolas. Quand elle a recette des glaçons, ça lui rentre pas dans le citron. Elle laisse aussi du rouge à lèvres sur les concombres dans le frigidaire. Mais les baleines, c'est la galère. Elle cherche la fermeture éclair. Aucun doute, c'est une vraie blonde. Aucun doute, c'est une vraie blonde. Pourtant ma blonde sait qu'elle fait bien, je ne peux pas le dire ici. Auprès de ma blonde, auprès de ma blonde, qui fait bon dormir. Elle tient tout un après-midi avec un petit bout de papier. Sur chaque côté on a écrit, veuillez retourner s'il vous plaît. Elle laisse aussi le rouge à lèvres sur les concombres dans le frigidaire. Les bananes, c'est la galère.